Libre-Échange, Sylvain Blondin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de notre magazine Libre-Échange, notre magazine de la santé, qui, au cours du temps, des années, a fait des émules de plus en plus, et toujours de plus en plus d'émules, rediffusées sur plusieurs stations. D'ailleurs, prochainement, sur le nord de la Meurthe-et-Moselle, on va les diffuser, là, cette fois-ci, pratiquement sur quatre pays. Et ça, c'est une première, c'est-à-dire que c'est dans le nord de la Meurthe-et-Moselle. On va diffuser donc France, Belgique, Luxembourg et une partie de la Maine. Fabuleux, extraordinaire. 5, me dit Alain. Oui, si tu veux, je peux emmener l'émission au Bénin. Eh ben écoute, ça sera avec grand plaisir. D'ailleurs, on en avait parlé. Moi, j'aimerais te suivre. On rentre déjà dans le vif du sujet. Bon, quand j'ai l'occasion, là, tu sais, j'ai fait une émission spéciale. C'était en Thaïlande et justement, moi, ça m'intéresse de nos amis partenaires de éventuellement, ben justement, de partager cela. Alors justement, on est rentré dans le vif du sujet. Aujourd'hui, sur le plateau, j'ai un plateau une nouvelle fois très riche, très riche. L'heure va passer à une vitesse, identique à celle de la lumière. Alors, aujourd'hui sur le plateau, j'ai le plaisir d'avoir le docteur Alain Aubrèche. Bonjour Alain. Bonjour Sylvain. Alors on se connaît, tu fais de la radio et en fait, je crois que ça t'est venu la radio qu'on a eu fait une première émission ensemble. C'est grâce à une première émission ensemble que j'ai fait connaissance de RCN, enfin des studios de RCN et que j'ai été, je peux dire, embauché à RCN. Et donc, tu es président de l'association Gamia. L'association Gamia, oui. Alors, on va en parler. Je fais mon petit tour de plateau et on revient justement par rapport aux actions qu'on a menées. Parce qu'aujourd'hui, l'association Gamia parle des enfants, mais avec l'autre association qui est des Kiwani, nous parlons aussi enfants. Alors, sur le plateau, j'ai le plaisir d'avoir Marie-Christine Facchini, qui est présidente du club Nancy Euro Amitié. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Je crois que c'est la première fois que tu viens sur notre plateau RCN. Accompagnée de Christiane Prutti, qui est la secrétaire générale nationale du Kiwani. Adjointe, mais dont, comme on travaille toujours, je veux dire, dans un esprit d'équitabilité, donc tu ne m'en voudras pas, qui a déjà fait plusieurs émissions avec moi. Et Francis Scherer, notre ami Francis, qui est déjà venu aussi dans l'émission, lui qui est responsable justement au niveau de la coordination, et on va en parler, c'est quelque chose qui est pas évident, donc on va parler de notre association. Nous avons une personne qui doit arriver sur le plateau, qui est Frédéric Hilberer, des confitures de Climont. Alors vous allez me dire, les confitures dans l'émission, qu'est-ce que ça a à voir ? Eh ben, vous allez voir que ça a à voir, parce qu'en fait, ce week-end a eu un événement, un grand événement. On va revenir dessus. Alors, je reviens vers Alain. Alain, oui. Parle-nous, Gamia. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Gamia, déjà pour commencer, c'est le nom d'un village du nord du Bénin. Le Bénin, petit pays d'Afrique occidentale, l'ancien Dahomey français. Ouais. C'est depuis 2009 le nom d'une association. On a choisi ce nom-là parce que le Gamia, ça nous plaisait bien, et puis c'est un village où on aime bien aller. Une association qui a pour objet de la promotion de la santé auprès des populations du Bénin. Et nous nous rendons au Bénin chaque année depuis 2009. L'association a été fondée par des médecins, mais dès le départ, nous avons inclus dans nos missions un certain nombre de non-médecins. Ils sont d'ailleurs les plus nombreux maintenant. Et toujours parce que il y a des missions d'éducation, on va peut-être avoir l'occasion d'en parler. Mais bien sûr. Bien sûr. Alors, dedans, c'est l'acquisition, l'aptitude individuelle, ainsi que la prévention des maladies par l'éducation pour la santé. Là, je vois que tu as lu nos statuts. Ah, ça se prépare une émission, et c'est pas à toi à qui je vais le dire. Ensuite, c'est l'amélioration de l'accès et de la qualité des soins pour la formation des professionnels sanitaires. Alors, je parle de la formation parce que justement, dans les actions que vous avez menées, on va en parler, mais il y a des actions à venir. Et aussi l'autonomie des populations pour le renforcement de la participation communautaire, mais également la création de milieux favorables pour, par un appui éducationnel au développement durable et un environnement propice. Est-ce que j'ai tout dit ? Oui, tout dit, c'est vaste programme, n'est-ce pas? Oui, oui, on voilà. Depuis 2009, on a encore de quoi faire. Hein. Oui. Alors nous travaillons au Bénin, essentiellement dans le nord du Bénin, donc environ 400 kilomètres au nord de la capitale Cotonou, dans une commune qui s'appelle Bembereke. C'est là qu'il y a une radio qu'on connaît bien, avec laquelle nous avons d'excellentes relations, Radio Nansina. C'est la radio communautaire de cette région-là, qui a une importance énorme. Et moi, ça m'intéresserait, oui. S'ils veulent diffuser, on l'a déjà parlé, notre émission Magazine de la Santé Libre-Échange, ça serait grand plaisir. Ils diffusent de temps en temps, quand je leur emporte des émissions, parce que malheureusement, Internet, ça marche pas très bien là-bas. Ouais, ça pédale mal. Ils diffusent de temps en temps mon émission de jazz. Aussi, oui. Voilà, tu as l'émission de jazz, c'est le partage. Oui. Bon, je reviens, donc Bembereke, où on travaille en relation avec une mutuelle africaine, donc on a des correspondants sûrs et fiables là-haut, et... Nous travaillons également dans le centre du Bénin, dans une ville qui s'appelle Dassa, et puis depuis 3 ans maintenant, dans un village du sud qui, bien qu'étant très relativement proche de la capitale, et a une situation très particulière d'extrême pauvreté. Ce sont des gens très démunis, loin de tout, qui manquent de tout et qui sont perpétuellement victimes d'inondations. Ils habitent au bord d'un fleuve et avec une situation beaucoup plus précaire que celle des autres villes dans lesquelles nous allons. Sans vouloir faire de jeu de mots, c'est pas des situations bénignes. Non, effectivement, non. Le Bénin est un pays pauvre. Hein. Mais je la place. Mais. Oui, c'est bien sûr. Ouais, effectivement. Alors donc depuis. Moi, je me souviens, nous avions fait une époque, à l'époque, une émission avec, dedans, il y avait une initiative de Alain Deluze. Oui. C'était en 2009. C'est le fondateur de l'association. C'est le fondateur de l'association et qui regroupait 10 personnes avec 3 médecins. Voilà. C'est ça. Et alors, depuis, ça a évolué, l'association. Comment que ça se passe? Eh bien, l'association a un petit peu grandi, et là, on a assuré une ou deux missions, au moins une, mais souvent deux missions chaque année. Et en règle générale, il y a 7 ou 8 participants à ces missions. Certains viennent chaque année, d'autres plus épisodiquement. Ça dépend des moyens, parce que nos moyens ne nous permettent pas de financer le voyage. Ce sont les participants qui payent eux-mêmes le voyage et les frais de séjour. C'est pas plus mal, d'ailleurs. Ça traduit. Bon, bien sûr, ça peut empêcher. Une certaine implication. Ça peut empêcher un certain nombre de se lancer dans l'aventure, mais ça traduit une forte implication des personnes. Je crois que c'est pas plus mal. Ouais, c'est un peu dans l'état d'esprit des Kiwani, parce qu'ils sont là sur notre plateau justement. Hein, ils me disaient que quand ils font un événement, chacun y participe. Non seulement ils participent, mais comme tout public, je veux dire, ils payent leur part, ils payent. Voilà. Oui, ça témoigne de l'investissement, oui. Hein, personnel. Hein. Oui, parce que dans ce cadre-là, alors justement, j'en profite pour que ce soit le Kiwani, que ce soit pour Gamia, de faire appel. D'un point de vue solidarité. Quand je dis solidarité, tout de suite on pense à argent, mais il n'y a pas que ça, effectivement. Donc si on peut aider les associations, et très généralement bien évidemment pour les associations, on manque de moyens, ça peut être financier, ça peut être aussi des moyens humains, apporter le bénévolat, et ça c'est important. Là, alors justement, au niveau du bénévolat, comment ça se passe au niveau de Gamia? Eh bien, vous avez du monde. Vous êtes en charge d'effectifs aussi. Nous sommes toujours en recherche d'effectifs, parce que si on avait plus d'effectifs, eh bien, on pourrait faire des missions plus longues ou plus nombreuses. Pour l'instant, nous nous en tenons à ces 3 points de chute au Bénin, parce que faut pas trop se disperser. On a déjà beaucoup beaucoup d'objectifs. Hein. On travaille pas tout le temps sur la même chose et pas sur la même chose dans ces 3 localités. Comment justement sont perçues les actions qui sont menées là-bas sur place, et est-ce qu'il y a, je vais dire, une résonance dans le temps? Alors, Soyons modestes, hein. On ne travaille là-bas que depuis 2009. Alors si on écoute nos partenaires, bah bien sûr, ils y tiennent et ils trouvent que ça a des effets, qu'il y a des résultats. Effectivement, on voit la situation un petit peu évoluer, mais pas forcément uniquement grâce à nous. Hein, c'est aussi grâce à certains autres facteurs de développement. Je pense les communications qui s'améliorent, la scolarisation qui s'améliore aussi. Alors il y a des choses qui bon, on a travaillé pendant plusieurs années, on continue avec les infirmiers des centres de santé, les agents de santé qui ont pas grand chose à leur disposition et surtout qui travaillent tout seuls. Il y a la plupart du temps il y a pas de médecin et on a travaillé avec eux sur l'amélioration de leurs compétences, c'est-à-dire avec les moyens dont ils disposent d'assurer un diagnostic un peu plus sûr, de faire des prescriptions plus adaptées, plus économiques aussi, parce que c'est important pour ces pays-là qui sont pauvres, et c'est pas la peine qu'ils se lancent dans des dépenses inconsidérées. Et là où on est passé dans les centres de santé, on a quand même vu des changements de comportement et des améliorations des performances, des résultats. Ça, on le sait grâce à la mutuelle de santé avec laquelle on travaille. Alors justement, tu parlais du manque de médecins. Tu sais, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je travaille sur la problématique des désertifications médicales. En France, c'est une chose, mais je dis que la désertification médicale, c'est pas un problème spécifique à la France ni européen, c'est un problème mondial. Mais c'est exactement le même problème à la puissance 10. Hein. C'est-à-dire que il faut savoir qu'il y a plus de médecins béninois en France qu'au Bénin. Hein. C'est ça. C'est une chose que je trouve aussi injuste. Et en général, alors la petite parenthèse, ils sont embauchés sous-payés, derrière, exploités, enfin bref. Mais ils ont besoin dans leur pays. Alors qu'en France, on a, je veux dire, ça c'est un petit peu mon coup de gueule du matin, on va dire. On a des personnes qui sont au chômage. Il y a des médecins qui sont, je veux dire, qui a de la demande. Quoi. On manque de médecins, effectivement, en France. Oui, alors le médecin, le Bénin forme des médecins. Ils devraient pouvoir en former suffisamment pour exercer sur le territoire. Le problème, c'est que si les médecins diplômés, ils n'ont pas envie d'aller s'installer dans des zones rurales défavorisées, loin de tout, sans communication, et puis en n'étant pas tellement payés. Bien donc, sûr. Ils préfèrent soit s'exiler. Pas forcément uniquement en Europe, d'ailleurs des fois aussi dans d'autres pays africains un petit peu mieux lotis. Lotis, hein. C'est ça. Ouais. Ouais. Et puis faire des spécialités. Ils préfèrent travailler dans des ministères ou faire de la santé publique. Alors là, il y a un beau réseau de santé publique au Bénin, mais ça manque de médecins sur le terrain. Ouais, hein. Effectivement. Alors je connais bien le problème parce que je travaille par ailleurs avec la faculté de médecine de Parakou, qui est située pas loin de Berekel où on va. Le hasard a fait que je les ai rencontrés en 2009 et que je travaille avec eux pour une formation de pédagogie médicale, c'est-à-dire la formation des enseignants. D'accord. Et d'ailleurs, je pars dans 15 jours. Effectivement, donc tu pars dans 15 jours. Et bah, du coup, tu vois, ça me soulève quelques idées à l'esprit dont on pourra en parler hors antenne. Ce que je te propose, Alain, on va passer à nos amis Kiwani qui sont là pour parler un petit peu de l'événement qu'on a fait, mais on va revenir parce que c'est important. On a parlé des actions menées, on pourra en reparler, mais on va parler aussi d'actions futures à venir. Oui. Alors, a été organisé pendant ce week-end sur Nancy. Ce sont le troisième salon des salons Talents et Saveurs, donc de Lorraine, où on était mis en évidence, je veux dire, des artisans, des commerçants, mais beaucoup de l'artisanat. Donc, c'est la saveur, c'est-à-dire le goût, surtout des produits, je veux dire, locaux, régionaux. Identifié à la santé, à la qualité de vie, là. Et l'association mène ces actions, justement. Là, c'est pour les enfants, dont tous les bénéfices sont reversés pour les enfants. On avait parlé dans l'émission de lancement, pour annoncer les vêtements. Alors, d'un point de vue, je vais dire, on va pas dire résultat, mais qu'en est-il si on fait un petit peu maintenant un état des lieux après l'événement, Francis? Alors je rappelle, tu es le responsable de la coordination. Hein, moi j'étais sur place, j'ai vu un peu. Moi j'ai trouvé ça. D'ailleurs je te l'ai dit, il y a une très bonne coordination entre les gens, des initiatives, et c'est une des rares associations. Hein, je tiens à le souligner. Que ça se passe ainsi, parce qu'en général, ça rue dans tous les brancards, on n'a pas d'effectif, enfin bref. Donc comment s'est passé cet événement ? Oui, d'abord, bonjour Sylvain, bonjour à tous. Donc effectivement, on a eu lieu ce week-end la troisième édition du Salon Talents et Savoirs de Lorraine. Alors qu'est-ce qu'on peut dire si on veut tracer un bilan très très rapidement ? On a un bilan qui est en demi-teinte, pour la très simple raison, c'est que il a neigé de 4h du matin jusqu'à 11h du matin toute la journée, qui a paralysé nos visiteurs à nous rejoindre dans un salon qui a été reconnu par ses visiteurs de très très bonne qualité. C'est pas nous qui le disons, c'est les visiteurs qui le disent. Alors, on n'a pas pu effectivement concrétiser nos objectifs, malgré une campagne publicitaire qui a été assez dense cette année et qui était à la hauteur de cet événement. Bon, le point positif que l'on peut dire, c'est que nous aurons quelques moyens pour aider les enfants, et ça je crois que c'est le plus important. Voilà. Alors nous souhaiterions naturellement toujours plus, mais on fait avec ce que l'on a. Eh oui, parce que c'est pas faute, je veux dire, d'investissement en tant qu'effectif, en communication. Là, bah, y a toujours des aléas dans la vie, dont indépendant, parce que le vendredi il faisait beau, le samedi a commencé à déger, dimanche catastrophe. Effectivement. Marie-Christine, est-ce que tu pourrais nous parler justement, je voudrais qu'on revienne un petit peu, toi en tant que présidente du club Nancy Euro Amitié. En fait, il y a trois clubs sur Nancy, je vais les citer, c'est important. Le premier, c'est le club donc Nancy, dont le président, c'est Jean-Luc Rémy. Le deuxième, c'est le club Nancy Opalinska. Tu nous diras peut-être aussi ce qu'est le club Opalinska, dont la présidente est Dominique Pouille. Et toi, tu es la présidente donc du club Nancy Euro Amitié. Alors, qui est, en fait, ces différents clubs font partie des Kiwani. Et alors les Kiwani, rappelle-nous un petit peu ce que c'est. Alors les Kiwani, bon, c'est vrai que Christiane pourra dire nationalement ce qu'il en est, parce que bon, je crois qu'il y a une géographie du Kiwani qui est extrêmement importante. En citant les trois clubs, il n'y a pas d'hierarchie dans les clubs. On est on poursuit tous le même objectif. Et notre devise, c'est de servir les enfants du monde. Donc, on mène en fait, quand on est président ou quand on fait partie d'un club, on met en place des actions, par exemple comme le salon. Nous, à Nancy Euro Amitié, on a une grosse action avec l'association Vivre avec l'autisme, qui est donc assez récente. Et donc, ces actions nous permettent de dégager ou pas certains profits. Et ces profits, par exemple, nous permettent de faire des dons, soit à Vivre avec l'autisme, nous avons travaillé aussi avec l'hôpital pour enfants, pour donner aux enfants soit des équipements, des matériels, ou pour Vivre avec l'autisme, si on parle de cette association. Ils sont en train de mettre en place une pièce de théâtre sur 2 années, puisque ce sont des autistes. C'est un travail extrêmement remarquable fait par des personnels, tout personnel confondu, personnel de santé et pas forcément médicaux. Donc nous subventionnons une partie de leur mise en place de ce théâtre. Donc voilà, on cherche toujours à mettre en place des actions. On a des actions futures, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et tous les membres du club sont mobilisés et engagés pour faire réussir ces actions. Déjà, ça c'est le point vraiment le plus important de l'action Kiwanis. Effectivement, nous aussi, on est comme toutes les associations, nous sommes en recherche de personnes bénévoles, et je dirais pas seulement bénévoles, mais qui s'engagent réellement, puisque l'engagement au jour d'aujourd'hui est un peu plus compliqué. Nous sommes un petit club, nous sommes 11 personnes, mais 11 personnes qui s'impliquent et qui mettent en place toutes ces actions. Alors, on va parler justement au niveau national avec Christiane Petit, qui est la secrétaire adjointe générale au niveau national des Kiwani, qui connaît bien, je veux dire, ce monde-là, parce que ça fait quand même maintenant quelques années que tu t'impliques en la matière. Et Justement, comment ça se passe au niveau national? Parce que là, on parle de Nancy, à titre d'exemple, comme Libre-Échange est rediffusé sur d'autres stations, mais les Kiwani sont partout en France. Absolument. L'année 2016-2017, il y a eu 2 235 153 € qui ont été distribués pour les enfants. Il y a eu plus de 143 714 heures qui ont été donc de bénévolat à leur service. C'est très important et je crois que même on se sous-estime par rapport aux heures de bénévolat. Oui. Hein, parce que bon, on est peut-être un peu, je dirais, modeste et il est certain que bon. Alors c'est vrai que c'est un bilan dont nous sommes vraiment très très fiers. Hein. Et bon, il y a des actions. Et je pense justement à une action internationale que nous menons. Alain, donc peut-être on a entendu parler, en partenariat avec l'UNICEF et Pampers, nous payons 2 vaccins pour éradiquer ou éliminer, puisque ça s'appelle Eliminate, le tétanos pré- et post-natal. Et ça, c'est très important parce oui. que ça entraîne des, je dirais, bon, des morts dans des, je dirais, des conditions horribles. Hein, alors ça, c'est une action vraiment qui est, je dirais, qui est internationale. Au niveau national, nous avons payé la reconstruction d'écoles au Népal, quand le Népal a souffert de ce tremblement horrible. Et la première chose qui a été installée, point de vue hygiène, ce sont les toilettes. Les toilettes avec, bien sûr, des lavabos pour empêcher eh bien, toute propagation d'épidémie et faire l'éducation des enfants sur la propreté. Ça, c'est très important. Et puis, nous avons participé, bien sûr, au niveau national, toujours, puisque j'en suis au national, à des dons. Mais des dons, chaque club participait et donnait de l'argent pour Saint-Martin, hein, pour Saint-Barthélemy, enfin, surtout Saint-Martin. Ces îles, je dirais, des Antilles, qui ont été véritablement dévastées. Et là aussi, on a envoyé du matériel scolaire pour que l'école puisse s'ouvrir, peut-être dans des conditions de logistique qui n'étaient pas les meilleures, mais au moins que les enfants puissent retourner à l'école. Alors Alain, justement, voilà, on vient de voir là, Kiwani, on vient de parler des actions menées sur les enfants. Justement, Gamia, vous avez des projets. On oui. parlait de vaccination contre le tétanos pré- et post-natal, là. Mais justement, dans le Bénin, là où tu mènes des actions, il y a des actions menées de vaccination, mais il y a des prochaines actions aussi, d'éducation. Oui, oui alors tout ça me semble fort intéressant et fort et indispensable. Alors j'entends parler des vaccins. Alors curieusement, tant mieux, le Bénin a une situation vaccinale qui est, j'allais dire, exemplaire, elle serait presque meilleure qu'en France. Parce que les campagnes de vaccination sont très bien faites, elles sont très bien organisées, mais je pense qu'il y a sûrement des efforts à faire et à soutenir. Alors le deuxième point dont vous avez parlé, c'est les toilettes. Alors ça nous intéresse beaucoup parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille sur l'utilisation de toilettes sèches dans les villages béninois, avec plus ou moins de succès. Et nous avons un projet actuellement, justement dans le village de Tokbota, dans le sud du Bénin, dont je vous parlais tout à l'heure, d'implanter des toilettes sèches, mais surtout de faire toute l'éducation qui va avec, parce que c'est bien joli de proposer des toilettes. Encore faut-il qu'elles soient utilisées. Et on sait très bien qu'un certain nombre d'expériences antérieures n'ont pas marché. Les toilettes existent toujours et elles ne sont pas utilisées. Mais là, c'était le relais au niveau des instituteurs. Oui, oui. Hein, voilà. Oui, mais quand l'instituteur n'utilise lui-même pas les toilettes, c'est très, très ennuyeux. Hein. Tout à fait. Oui, ouais, effectivement. Alors le troisième projet dont j'aime bien et dont j'ai envie de parler, c'est le projet actuel, un des projets actuels qui est, ça fait 2 ans que nous travaillons sur quelque chose qui est un fléau à l'échelle de l'Afrique et du Bénin, c'est les grossesses chez les adolescentes, les grossesses en milieu scolaire, puisque allez, disons, sur un collège de 2000 élèves, c'est-à-dire en gros à peu près 1000 filles, eh bien, on peut arriver jusqu'à 50 grossesses dans une année, et ça commence à 12 ans. Hein. Donc ça, c'est un problème pour lequel les autorités en sont conscientes, mais c'est quelque chose qui est très complexe à analyser, mais qui est essentiellement lié à la pauvreté et à l'ignorance des populations. Et peut-être culturel aussi, non? Alors, est-ce derrière dans tout ce qui concerne la santé, et peut-être même bien au-delà, il y a des questions culturelles. Et, on en apprend tous les jours. À chaque fois qu'on y va, on apprend des nouvelles choses, hein, bien entendu. Bien sûr. Mais bon, le facteur essentiel, c'est quand même la pauvreté. Oui. Et on a tâtonné pendant un an ou deux, à savoir comment on pouvait s'y prendre. On est allé dans les collèges, on a travaillé avec les enseignants, avec les mutualistes, avec des sages-femmes. Et puis on s'est aperçu que ça marchait pas bien. Ça les intéresse, mais finalement, faire des cours de santé de la reproduction, d'éducation sexuelle, d'abord ils en ont. C'est probablement pas à nous de les faire à partir du moment où on s'est assuré que ça correspondait à nos objectifs. Il faut trouver un autre biais. Voilà, on a trouvé un autre biais. On a eu l'occasion de travailler il y a 2 ans avec des. Ils ont la chance à Bembéréké dans le nord du Bénin d'avoir dans les collèges ce qu'on appelle des élèves pères éducateurs qui sont formés par les mutuelles, et qui sont des élèves qui sont choisis, probablement en raison de leur talent, pour diffuser auprès de leurs camarades des messages de santé, de prévention, d'hygiène, d'environnement, enfin, etc., et pour lesquels ils ont une formation. Et on a travaillé avec eux. Et puis, la première fois qu'on a travaillé avec eux, on leur a dit, une grossesse en milieu scolaire, il y en a tellement, vous en connaissez certainement. Alors, ils nous ont répondu, évidemment, vous pourriez pas nous en raconter une ou deux? Ils nous ont raconté, maintenant, vous pourriez pas nous faire une petite scénette là-dessus? Et on a fait des espèces de jeux de rôle avec eux sur la question, et qu'on a montré aux autres élèves. Et on s'est aperçu que ça intéressait beaucoup les gens. L'année dernière, nous y sommes retournés et on a décidé de ne travailler que dans un seul collège où on a un appui fort de la part du directeur et des enseignants, et où il y a un groupe d'élèves pédo-éducateurs particulièrement dynamique. Et on leur a dit, c'est bien joli, c'est scénette là, on va essayer de travailler un petit peu plus, vous allez essayer d'imaginer, de le développer, de raconter l'histoire et de la jouer. Et on a eu l'immense surprise de les voir en quelques heures nous proposer des 3 spectacles de 20 minutes chacun, correspondant à 3 situations différentes. Mais c'était vraiment du théâtre, et on a été absolument époustouflés de voir ce qu'ils faisaient avec ça. Et donc on a travaillé pendant toute la semaine sur ça. Je vais aller vérifier dans 15 jours, j'aurai l'occasion d'aller les voir. Je vais aller me renseigner pour savoir ce qu'ils ont fait de ça. Ils s'étaient promis de le montrer dans d'autres collèges, ouais. De tourner dans les villages, etc. Bon, je vais aller voir. Mais surtout, nous avons prévu, quand on a vu le résultat, de la qualité de ce qu'ils nous faisaient, une espèce de théâtre forum, on a prévu de réaliser un film. Un film qui pourrait être un support pédagogique. Pour eux, pour le Bénin, pour l'Afrique, pas pour nous. Hein. Pour nous, ça servirait seulement pour l'association. Mais donc, on a prévu de faire un film, et je suis actuellement en train de travailler à la conception d'un film. Et, sur le scénario, cette part-là. Le scénario, il est tout fait, c'est eux qui l'ont. De mettre en place, etc., pour réaliser quelque chose de qualité. Si on arrive à réunir les mécènes, si on arrive à réunir le budget nécessaire, qui est important pour notre petite association. Bon, j'estime le il faudrait combien à peu près entre 3 et 5 000 euros, hein, entre 3 et 5 000 euros. Tapons 5 000 direct. Alors, c'est beaucoup pour une association comme la nôtre qui peut plus payer. Dans l'absolu, c'est pas pour faire un film d'une heure et demie, c'est quelque chose d'assez réalisable. Donc moi je suis assez optimiste, je pense qu'on va y arriver, enfin en tout cas j'espère beaucoup. Alors j'en profite si tu permets, Alain, justement parce qu'on va arriver à la pause musicale, c'est je fais appel à ton personnel, entreprise, mécénat, enfin à toute personne qui voudrait participer à ce projet, c'est un des projets, hein, eh bien n'hésitez pas. Est-ce que y a le site sur lequel on peut aller Alors l'association a un site internet, il suffit de chercher Gamia, association Gamia sur un moteur de recherche et on trouve très facilement l'association Gamia, G-A-M-I-A. Emia.fr. Alors c'est oui. Et puis, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qu'on peut donner? On peut donner le mien. Le 06 12 38 72 32. Donc je répète. 06 12 38 72 32. Et puis nous avons une page Facebook aussi. Et la page Facebook sur laquelle je vous invite. Là, on trouve toutes sortes de documents sur l'association et quelques images aussi de ce qu'on a réalisé l'année dernière en 2017 avec les pères éducateurs sur les grossesses. Les grossesses. Oui. Voilà. Donc voilà, c'est un projet peu... auquel je vais nous impliquer à fond, ouais, pour pouvoir mener à bien. Alors d'autant plus que nos partenaires béninois, nos amis béninois sont vivement intéressés, bien sûr. Eh ben alors, ce que je te propose, Alain, on va faire une courte pause musicale et on va revenir parler de ça. On va revenir parler de l'association les Kiwanis. On va parler du congrès et nous avons notre ami Frédéric Hilberer, si je le dis bien, Frédéric. Oui. Je donne l'accent avec l'accent alsacien. Bonjour Frédéric. Bonjour. On va revenir avec vous juste après ceci. Maintenant qu'elle vit au Kenya, c'est l'Africaine occidentale. Non, je ne connais pas l'Afrique. Aigrie est ma couleur de peau. La vie est une machine afrique où les affreux n'ont pas d'afro. Tous ces jeunes américanisés niquent de la tête. Génération très très marquée. Mama Sam est consternée. À cette époque où faire l'amour est un danger pour l'humanité. Il est honteux d'afficher Nick sur nos vêtements dégénérés. Non, je ne connais pas l'Afrique. Allez! Aigri est ma couleur de peau. La vie est une machine afrique où les affreux n'ont pas d'afro. Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes de retour sur le plateau de notre magazine Libre-Échange. Libre-échange, magazine de la santé, de partage, parce qu'on partage l'information. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric. Frédéric, bonjour, la route a été bonne. Bonjour Sylvain. Alors oui, merci, c'est sympa, comme je disais là pendant la pause musicale, parce que on va voir ce que tu fais. Et justement, tu étais à l'exposition et tu sais que je défends beaucoup la santé, hein, le domaine de la santé, mais les saveurs aussi, parce que la santé, ça commence par une bonne alimentation. Et tu fais des choses assez surprenantes. Merci, parce que tu viens d'Alsace pour venir nous rejoindre. Alors, les confitures du Climont. Qu'est-ce que les confitures du Climont? Alors moi, j'ai adoré, je le dis tout de suite, hein, tu as expliqué, parce qu'il y a une diversité, comme je dis, un panache de couleurs, de saveurs sur ton stand familial. Quand t'en parles, je suis obligé de te couper, parce que tellement tu en parles avec passion. Mais c'est ça, c'est l'humour, hein, comme d'habitude. Mais vraiment, c'est passionnant. Alors avant de parler de mes confitures, je voudrais d'abord remercier le club Kiwani de m'avoir invité à ce salon, où j'ai découvert des gens formidables et je reviendrai avec plaisir l'année prochaine. Ça, c'est évident. Voilà. Alors, effectivement, je viens d'Alsace. Alors, tout d'abord, le Climont. Le Climont, c'est quoi? C'est une montagne entre Saint-Dié et Célestat. Voilà. C'est côté versant alsacien des Vosges. Bon, on est dans le Grand Est. Voilà. On aime la Lorraine, on est dans le Grand Est. Alors, les confitures du Climont, ça fait 30 ans que ça existe. C'est mon beau-père qui l'a créé en 1985. Son idée à lui, c'était de faire de la confiture. Il a fait instituteur, mais dès que c'était difficile, il disait c'est pas grave, un jour je ferai de la confiture. Et finalement, au bout de 5 ans d'instituteur, il s'est lancé dans la confiture. Donc il a commencé doucement, il a repris un peu les recettes de sa grand-mère, du fruit, du sucre, et ça s'arrêtait là. Au bout de 5 ans, il a commencé à en vivre, ça a commencé à se développer doucement, et finalement, en 1990, ça n'existait pas, la confiture artisanale. On n'avait que les grandes marques, et donc ça a permis de se développer. Les hôtels du coin nous ont pris et ont développé la marque, entre guillemets. En 2016, avec mon épouse, on a décidé de reprendre l'entreprise parce que mon beau-père va prendre la retraite et ça aurait été dommage de quitter, enfin, que l'entreprise quitte la famille. Donc la spécificité de nos confitures, c'est qu'on met que du fruit et que du sucre. On met pas de gélifiant, on met pas de conservateur. On fait vraiment comme vous à la maison, sauf qu'on a des chaudrons qui font 80 kilos, tout simplement. Ben, et la cuillère qui est un peu plus grosse. Ouais, aussi, c'est ça. Et on a un bras mécanique qui tourne parce que sinon, ouais, je suis obligé de changer de t-shirt. Tu fais de la muscu. Ouais. C'est pour ça que t'as un bras c'est plus fort ça, que l'autre. Un bras droit musclé. Tout à fait. Donc on a gagné le titre. Enfin, mon beau-père a gagné le titre de meilleur confiturier de France en 2010. Et depuis 2015, on fait partie des entreprises du patrimoine vivant. Un vrai label d'État. Voilà. Donc c'est pour cette raison que je voulais t'inviter à parler de ça, parce que plusieurs choses. Première chose, il y a une continuité du savoir, de la connaissance, des connaissances, une transmission de connaissances, transmission de patrimoine. Ce sont des saveurs locales et on voit que quand on fait des choses avec passion, avec amour, on arrive à faire des choses c'est formidables. C'est et bon, oui, c'est tout ça. Simplement. Tout est naturel. Mmh. Alors moi, je vais te dire, je prends l'exemple. Je discutais justement sur le salon avec des personnes. Je fais des charcuteries, je fais des choses comme ça, des pâtés, des terrines. C'est que des recettes traditionnelles. Ça conserve très, très, très bien. Il n'y a pas de problème. Quand moi, on vient me dire, il faut mettre du salpêtre, des adjuvants, des trucs, des machins. Non. S'il vous plaît, non, ça sert à rien. Je sais pas. Je vois Alain qui est médecin. Hein, donc, qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord avec moi, là? Non seulement ça sert à rien, mais c'est nuisible. Et voilà. Non seulement c'est nuisible. Et même, on peut aller plus loin parce que là, il y a des articles qui viennent. Ouais, je suis assez scientifique, comme je le dis, hein, dans l'alimentation, notamment, il y a des choses qui viennent d'être vérifiées, c'est que ça change aussi, ça va sur notre ADN, et ça change notre ADN, et d'ailleurs il y a des gens aujourd'hui qui font des réactions aux bons produits de bonne qualité à cause que l'organisme a changé. Enfin voilà, c'était le petit mot au passage. Vas-y, je t'en prie, Christiane. Et en tant que diabétique et de personne, je dirais, donc, qui s'est engagée au niveau de l'association, on demande aux diabétiques de lire les étiquettes, et c'est incroyable. Il y a du sucre partout, partout. Sucre caché, et le sucre devient un poison, alors qu'on en a besoin. Hein, on en a besoin pour donner de l'énergie. Mais bon, voilà. Donc je voulais le dire aussi, et c'est vrai que c'est une question d'éducation. Et si on, je dirais, si on n'achète pas ces produits, eh ben peut-être qu'à un moment donné, les entreprises vont réagir et faire des produits sains. Oui. Alors nous, dans la confiture, il y a du sucre et il est marqué. On peut s'en passer. La confiture, bien sûr, mais là, c'est dans l'alimentation générale. Ce n'est pas un sucre caché. Ce n'est pas un sucre caché. On sait, quand on achète de la confiture, qu'il y a du sucre. Alors, justement, nous, on n'a que du fruit du sucre, donc on met beaucoup plus de fruits au départ. Vous avez peut-être vu voir la fraise, on est préparé avec 80 grammes pour 100 grammes de fruits. Bon, je parle de la fraise parce que c'est vraiment ma préférée. Et donc, on va ajouter 50. J'ai remarqué sur ça. Je l'ai fait goûter à tout le monde et elle est partie très vite. Et donc, on va mettre 50% de sucre, 50% de fruits et on va faire évaporer de l'eau pour avoir la bonne consistance en confiture. Voilà, tout simplement. Donc, on va pas rajouter de gélifiant. On va pas rajouter de conservateur. Donc, forcément, on a plus de goût et c'est meilleur pour la santé, finalement. Est-ce que vous faites de la confiture d'anacarde? Non. Je vous en rapporterai oui, du bénin. Avec plaisir. L'anacarde, c'est le fruit de l'anacardier, c'est l'arbre qui donne des noix de cajou. Je veux bien essayer. On peut tout essayer avec la confiture, on peut tout faire. C'est le goût vraiment qui limite l'imagination. Et là, justement, sur le salon, tout au long du salon des saveurs qui a eu lieu ce week-end, c'est ce qu'on a vu, c'est que tous les artisans, tout autour, il y avait une multitude d'exposants, lesquels chacun leur petite recette. Je prends par exemple un domaine, tu parles de la confiture, mais par exemple les pâtés, là il y avait plusieurs exposants avec des pâtés, chacun différent sa recette, d'où la richesse. On en parlait avec le chef qui était présent sur place, donc Julien Picard. Et Julien, il disait, c'est ça en fait, quand on faisait les démonstrations culinaires, c'est que chacun a sa petite recette, c'est toute une alchimie, d'où l'intérêt, et de promouvoir le terroir, la qualité des produits. Alors revenons au Kiwani. On a parlé de cette exposition de ce salon. Les projets à venir, Francis, tu veux nous en parler peut-être un petit peu? Si tu veux, je te parler des projets à venir, puisque nous, on a terminé le salon, on part sur d'autres aventures, au niveau des actions du Kiwanis. Nouvelles aventures. Alors, on peut parler un petit peu de ce qu'ont faire les clubs. Je vais parler un peu pour l'ensemble des clubs qui vont venir. Par exemple, le club de Lunéville, ils nous suivent dans un salon qui aura lieu le 4, 5 et 6 mai, qui s'appelle Vins et Saveurs. Pour eux aussi, c'est leur, ça se passe à Lunéville. Donc, pour le Kiwanis Nancy, on va avoir très prochainement, le 6 avril, une conférence qui aura lieu à l'hôtel Arcole, où on va parler, animé par des gens de l'Institut de cancérologie de Lorraine. Et l'objet de cette conférence, c'est en fait l'accompagnement des enfants de patients atteints d'un cancer. Il est quand même très délicat pour les enfants quand ils apprennent que leurs parents sont atteints d'un cancer. Ils se sentent quelquefois très perturbés et peut-être la cause de cela. Donc, on fait avec les gens de l'ICL cette conférence. Alors justement, il faut venir en parler ici sur notre plateau, venir avec les conférenciers pour annoncer cet événement. C'est encore une nouvelle fois une cause, c'est important parce qu'on parle souvent des adultes, mais le traumatisme que peut subir les enfants derrière, en aval, parce que quelque part, ils ne le montrent pas, mais il y a un traumatisme très important. Oui, c'est exact, oui. Alors pour continuer, on retrouvera le club Kiwanis Nancy à la Brocante, au parc Sainte-Marie de Nancy, le 23 juin. Si je veux, maintenant, je vais passer au club Nancy Opalinska. Le club Nancy Opalinska organisera le 5 et 6 mai. Ils seront présents à la nature, en fait, au parc Sainte-Marie. Et ils tiendront un stand qui est de l'ESAT, les ateliers de Haute-Vanne et le foyer Château de Garenne. Ont été créés par l'association, la Fondation des jeunes aveugles et déficients visuels. Et en fait, cette association FADV, qui assure les missions auprès des enfants et adultes aveugles et déficients visuels, ils font de l'éducation, de la scolarisation, de l'accès au travail protégé, de la formation professionnelle, de l'accueil résidentiel. Donc voilà, on aide une association, voilà un petit peu ce qu'on fait aussi au Kiwanis. Donc voilà pour le club Opalinska. Et je terminerai aussi par un club qui est le club d'Oudemont-Mirabel. Alors le club d'Oudemont-Mirabel organise le 14 avril un concert à Richard Médil des Volanes. Et le jeudi, vendredi 4 mai, ils seront à l'Intermarché de Ludre pour vendre des fleurs. Donc toutes ces actions, elles sont là pour collecter des fonds pour les enfants. Alors, je vais laisser la parole, à, puisque on a des personnes du club de Nancy Euro-Amitié, de nous faire part des événements qui vont à venir. Marie-Christine. Alors, le prochain événement, c'est le samedi 7 Très avril. Très bon animateur, Francis. Samedi. Oh, merci, Sylvain. Le samedi 7 avril, c'est une soirée qu'on appelle Péniche Jazz, où donc on a un groupe de jazz avec Valérie Balduni, qui est connue sur la région, et donc une soirée avec buffet dînatoire. Donc, samedi 7 avril, on vous attend sur la péniche de Rivetaire, quai Sainte-Catherine. Et l'autre manifestation qui est aussi importante, c'est notre rallye promenade le dimanche 17 juin, où nous allons suivre la route du sel. Et sur cette route, sur le parcours, nous rencontrerons la grenouille à chauffer qui faisait partie de qui était de exposant, notre salon, effectivement. Qui était exposant à notre salon. Je crois, la grenouille à chauffer qui est en fait producteur absolument, de bière, hein, qui oui. fabrique la bière, qui est brasseur, avec qui j'ai discuté, c'est pareil. On a ressenti l'amour de faire les choses, vraiment des produits de qualité. Et elle met un point vraiment à l'honneur de sélectionner des céréales, des maltes, du houblon, qui soit vraiment local. Oui, donc elle nous attend pendant à peu près une heure. Hein, trois quarts d'heure de visite de son entreprise et ensuite dégustation, bien évidemment. Donc ce fameux dimanche 17 juin qui sera placé, ce moment-là sera placé au moment de l'apéritif, à peu près, hein, sur notre parcours. Tu voulais rajouter quelque chose, Christiane, oui, je t'en prie. Une action qui est pérenne, ce sont les vendanges. On a un partenariat avec la famille Le Lièvre, donc à l'UC. Et ce sera la 17e édition. Bon, l'année dernière, on n'a pas pu les faire parce que bon, il y avait déjà beaucoup moins de raisins, malheureusement. Et puis, on voulait faire une vendange solidaire puisque récolter tout ce qui restait sur les cèpes pour pouvoir aider les personnes, enfin, je dirais les vignerons qui avaient été très touchés. Donc on fait ces vendanges, c'était au profit, mais ça l'est toujours, d'une association d'autistes. Donc c'est un peu notre fil rouge. Pourquoi ? Parce que un neveu de la famille Le Lièvre était atteint de cette maladie. Et donc on fait des vendanges un samedi matin, on commence à 8h dans les vignes, à 8h on est avec les bottes, le ciré quand il pleut, et là, pour vendanger, et on termine à 1h, 1h30, parce que on a une vigne à vendanger, et là, on ne la quitte que lorsque c'est terminé. Mais ouais. Il y a une ambiance de convivialité, et là, il y a même des jeunes, puisque c'est en partenariat avec le Rotary, il y a des jeunes étudiants de pays divers et variés, qui viennent nous aider. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. Basé, voilà, toujours pareil, sur l'échange, la rencontre de l'autre, qui fait, permet aussi de faire tomber certaines barrières, parce que, comme je dis, bien souvent, la première chose qu'a peur d'être humain, c'est la peur de l'inconnu. Et l'étranger, vais-je dire, hein, dans le sens très noble du terme, est une inconnue. Alors, j'aimerais aussi que, comme tu es là, Christiane, de parler de prochainement, c'est au mois de mai, l'action nationale Kiwani qui va avoir lieu à Aix-les-Bains. Alors, à Aix-les-Bains, il va y avoir... Basé, je rappelle, sur l'altruisme. Sur l'altruisme, bien sûr. Et là, on a pensé, puisque la devise de notre gouverneur, qui est le président national, est... Je te laisse. Le vrai bonheur. C'est l'altruisme. Ah, pardon, le vrai bonheur, excuse-moi, c'est l'altruisme, effectivement. Parce que c'est vrai... J'étais Non, mais le vrai bonheur, c'est l'altruisme. Donc, c'est vrai que c'est une devise, enfin, c'est bien ce qui est dit par Mathieu Ricard, voilà. Que enfin, tout le monde connaît. Et d'ailleurs, avec son livre, Le plaidoyer sur l'altruisme, voilà, entre autres. Voilà, Le plaidoyer sur l'altruisme, qui est un pavé très, très intéressant à lire. Et Mathieu Ricard étant natif, justement. D'Aix-les-Bains. D'Aix-les-Bains, voilà. Alors, donc, c'est le congrès national donc où tous les clubs sont invités, puisqu'il y a l'Assemblée Générale ce jour-là. Hein, et puis, découverte, bien sûr, de la région du Bourget, la Martine, hein, évidemment. Bon, là, tous les clubs, normalement, doivent envoyer des représentants pour voter les amendements éventuels, le nouveau bureau, le nouveau staff, enfin bref. Donc c'est vraiment, je dirais, là où tous les Kiwaniens se retrouvent dans un esprit d'amitié, de convivialité, on se retrouve, hein, parce que évidemment, y a les gens du Pays Basque, du Sud-Est, du Sud-Ouest, du Nord, de la Bretagne, et c'est important. Et là sera présenté un projet européen qui s'appelle Epic Child, c'est-à-dire que on va financer en Syrie des villages comme en partenariat avec SOS Village d'enfants pour évidemment rassembler des enfants qui sont en errance ou même en déshérence et qu'il n'est pas préférable qu'ils soient exploités donc et qui deviennent des émigrés qui servent malheureusement à la prostitution même aux dons d'organes non volontaires. Oui. Et cela, c'est très important. Donc ça, c'est un projet européen où tous les pays européens, donc où il y a des clubs kiwanis, eh bien, seront engagés. Ça, c'est très important parce que, bon, c'est vrai que la première des choses, c'est de garder ces enfants dans leur pays, dans leur culture, absolument, dans leur environnement et avec des parents, parce qu'il reste que malgré tout des parents. Le tissu familial, bien que souvent. Bien explosé, ça voilà. Donc ça, c'est ce qui va être présenté par, je dirais, le gouverneur de la Belgique, Luxembourg, qui est le porteur de ce projet. Alors, je tenais à excuser Chloé Cirelli, qui a été élue Miss Lorraine en 2007. Elle devait faire partie de l'émission. Malheureusement, elle n'a pas pu être là pour différentes raisons, qui était justement présente sur le salon. Je voulais faire un petit coucou ici à Julien Picard, qui est maître artisan cuisinier Eurotoc, donc qui défend les produits des terroirs, ça c'est important, et qui office au sein d'un restaurant au Bistronob. Alors c'est un tout petit restaurant, hein, je veux dire, c'est pas, il faut pas avoir compté sur 200 couverts. Non, lui c'est la qualité mise à déjà, et il travaille que sur réservation. Il travaille des produits du terroir, des valeurs du terroir. Il remet continuellement à jour sa carte, il retravaille sa carte. Voilà ça, voilà l'état d'esprit un petit peu des choses. Je t'en prie, Francis. Oui, ben écoute, je voulais compléter puisque tu as cité Julien Picard, tu as cité Chloé Cirelli. Donc là aussi, je remercie. Merci à tous les gens qui nous ont assistés pour l'animation. Ce n'est pas trop notre tasse de thé, je dirais. Donc Florence Gallard de Nancy Buzz, un blog sur la vie nancéenne. Madame Vucher de Culinarion qui nous a fait une démonstration. Et naturellement, Fayez qui est venu nous faire deux défilés de mode très appréciés du public avec de très beaux mannequins et de très belles robes. Bien qu'il y ait eu des mauvaises conditions climatiques. Oui, magnifique mannequin, magnifique robe, voilà. Vraiment... Alors, je voulais dire aussi, pardon, ça justifie le mot talent. Oui. C'est ça. Talent, c'est important. Tu as raison. Et Francis, alors, le mot de la fin sur le salon, c'est qu'effectivement, on remercie les exposants, les annonceurs, les visiteurs, sans qui rien ne serait possible. Alors, moi, je les invite justement, s'il y a des, on l'a dit, au niveau des associations, on va revenir sur Gamia, s'il y a des exposants qui vont participer l'année prochaine, hein, comme Libre-Échange, un peu partout, rediffusé sur pas mal d'autres stations radio en France, s'il y a des exposants qui veulent participer justement à cette manifestation l'année prochaine, donc ça sera à peu près vers les mêmes périodes, c'est pas encore défini. Oui, entre le deuxième et le troisième week-end de mars. Voilà, donc sur période mars, voilà. Et donc c'est de contacter justement l'association des Kiwanis ici sur Nancy. Est-ce que tu peux donner une adresse mail, un numéro de téléphone s'il te plaît, Francis? Ben écoute, c'est très très simple, hein. Nous avons le site du Salon Talents et Saveurs de Lorraine qui est opérationnel toute l'année. Il y a une fiche contact, donc écrivez, renseignez cette fiche contact et nous étudierons chaque cas qui se présente sans souci. Voilà. Mais sachant qu'avant tout, il faut être producteur, aimer ses produits et voilà. Absolument, c'est ça, c'est basé sur les goûts, la saveur, le terroir. Et aussi, s'il y a des personnes qui veulent apporter leur concours d'un point de vue, comment dirais-je, bénévolat, ils seront les bienvenus. Je reviens vers toi, Alain. Justement, parlons sur cette fin d'émission, on fera la conclusion ensemble. Et justement, parle-moi un petit peu maintenant, quelles vont être tes attentes aussi, tu parlais financières, de mécénat, pour pouvoir porter le projet. Oui, alors avant, juste un tout petit mot. Vas-y. J'ai entendu parler de même choses... Même deux, trois. J'ai entendu parler, et c'est fort intéressant, de choses qui nous préoccupent également au Bénin. D'abord le diabète qui est extrêmement fréquent en Afrique et sur lequel nous avons un projet, puisque nous menons actuellement des études pour savoir quelle est la prévalence, le pourcentage de diabétiques, de malades diabétiques en Afrique, et on arrive à des chiffres impressionnants. Et puis, de prévoir avec les autorités là-bas des campagnes de dépistage, mais surtout une éducation des populations. Là, on a la chance de pouvoir s'appuyer, en tout cas là où nous allons, sur des relais communautaires, des mutualistes qui sont dynamiques. Puis j'ai entendu parler d'enfants en déshérence, d'exploitation des enfants, etc. C'est un problème également qui est extrêmement, qu'on connaît bien au Bénin aussi, et sur lequel il serait bien que... Mais il y a un certain nombre d'associations qui travaillent avec... Qui commencent à travailler dessus. Mais on en entend parler chaque fois qu'on y va, hein, oui. C'est bien sûr. Alors, nos projets, il y a une mission qui va partir le mois prochain, qui va aller dans ce village de Tokbota dont je parlais tout à l'heure, qui va se faire un petit peu le diagnostic des besoins et des possibilités. C'est une situation un peu compliquée, mais on ne désespère pas d'arriver à y faire quelque chose, en particulier dans le domaine de l'assainissement et de l'eau. Et puis de l'éducation. Il y aura une mission au mois de novembre dans le nord à Bembereke, là où nous proposons de tourner ce film dont je parlais tout à l'heure. Ça ne pourra se faire effectivement que si nous en assurons le financement. Oui. De toute façon, nous continuerons le travail avec les élèves sur la prévention des grossesses en milieu scolaire, que nous étendrons, je l'espère, à d'autres collèges. Et surtout, nous nous assurerons de la diffusion de ce travail auprès des populations. Et puis, il y a ce travail sur le diabète dont je vous parlais, qui va continuer. Mais là, c'est un travail qui se fait en continu parce que nous avons un relais infirmier là-bas qui coordonne l'étude sur la prévalence du diabète. Voilà, le problème du diabète, si tu permets, je vais faire juste une petite parenthèse pour dire justement, Christiane, tu fais partie de l'Association des diabétiques de France et tu mènes des actions dessus. Et là, au Bénin, pourquoi? Parce que les jeunes boivent beaucoup de soda, de cochonneries de ce sens-là, malheureusement. Il n'y a pas que chez nous et qui entraîne ces diabètes. Mais ça, c'est... Voilà, je tenais à préciser. C'est le problème, et on a aussi, de plus en plus, même en France, de diabétiques de type 2 bien chez sûr, les enfants. Bien sûr, oui, oui. Et le pourcentage est extrêmement important en Afrique, où, bon, il y a toutes sortes de facteurs qui rentrent en ligne de compte. À Bembereke, ils ne boivent pas beaucoup de soda. Ça va? Non, mais non, c'est trop cher. Ouais, oui. Hein. Mais quoique, c'est ceux-là, ils s'adaptent au marché avec des prix oui, qui sont très variables. Pour l'instant, c'est pas encore trop le problème. Mm-hmm. Ben, et puis, il y a une prédisposition au diabète des populations africaines qui est bien connue. Hein. Allez, Frédéric, on arrive en fin d'émission. Et puis, comme tu as été un petit peu embêté sur la route, refais-nous un petit peu, reparle un petit peu de tes confinures, parce que moi, j'adore ça. Là, tu m'as mis l'eau à la bouche. Je voudrais revenir aussi sur le diabète, parce que j'ai fait 20 ans d'armée, j'étais souvent en Afrique. Et le soda est souvent moins cher que l'eau en Afrique. Et c'est pour ça qu'effectivement, bah, c'est plus facile d'avoir du soda que de l'eau. Oui. Bon, je vais revenir sur les confitures, effectivement. On a une minute. On a une minute. je me dépêche. Avant de faire la conclusion. Donc, effectivement... vous pouvez nous trouver sur notre site internet, comme voilà. Kiwanis. On a une page Facebook. Comment il s'appelle le site internet? www.confitureduclimon.com, tout simplement. Tout simplement. Vous tapez sur Google, vous nous trouverez. On a des revendeurs sur Nancy, ils sont sur le site internet, vous pouvez les trouver également. Mais bon, les confitures, j'en ai suffisamment parlé, je pense. Mais ma question, c'était au niveau du Kiwanis. Comment on rentre au Kiwanis? Bah oui, parce que ça, alors tu toques, je sais tu pas. Toques, et tu ça m'intéresse. À part toquer à la porte, tu toques à la porte, on t'ouvre et on te dit ça m'intéresse. Bienvenue. Voilà, voyez. Alors, qui va répondre? Très, très bien, rapidement. Comment on fait pour entrer au Kiwanis? Il faut se manifester. Alors, ce que je vous propose. Comme tu viens de le faire. Voilà, tout à fait. Là aussi. Francis, il sort déjà l'affiche d'inscription. Profitez d'aller voir sur le site Salon Talents et Saveurs de Lorraine. Vous avez une page qui s'appelle Rejoignez-nous, qui a été mise juste avant le salon. Vous avez les informations. Vous avez un lien pour pouvoir vous inscrire pour les gens de la région. Et si vous écoutez l'émission d'autres endroits de France, eh bien, allez sur kiwanis.fr. Vous retrouverez la rubrique aussi Rejoignez-nous. C'est exactement la même avec un contact hypertexte qui vous permettra d'aller vous inscrire. On prendra contact avec vous et vous pourrez assister à une ou deux réunions avec nous et puis ensuite voir si ça vous intéresse de poursuivre avec nous. Si c'est dans le cadre de vous. Si vous aimez monter des actions, rejoignez-nous et faire du bénévolat. Voilà, merci. Merci à vous toutes, merci à vous tous. Merci Christiane tu es la secrétaire adjointe générale du Kiwanis ici en France. Merci Marie-Christine Facchini. Il y a dit sur ce coup-là. oui, me dit-elle. Président du club Nancy Euro-Amitié. Merci Francis Scherer qui est responsable de la coordination au sein des Kiwanis. Merci Alain Aubrèche qui est président et qui mène des actions. Gamia, et comme je te soutiendrai, tu le c'est très bien. Merci aussi à toi, Frédéric. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour un prochain magazine Libre-Échange. D'ici là, comme je dis toujours, prenez soin de votre santé et elle prendra soin de vous. Libre-Échange, Sylvain Blondin.